Question 17. Je suis bien placé en marche normale? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour tourner à gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D.